La carte de délégué aux cérémonies de célébration du 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des enfants de Corée, portant respectueusement les portraits en sourire des généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il, a été remise aux délégués de l'Organisation des enfants de Corée à la festivité, grâce à la mesure bienfaisante du maréchal Kim Jong-un. La cérémonie de remise des cartes a eu lieu le 3 courant au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang.